Thurston Schulte, Bill Gates, philanthrope ou misanthrope? Actuellement, au nom de la crise du coronavirus, le gouvernement maintient les mesures rigides d'une forte restriction malgré le mécontentement croissant de la population. Régulièrement, les médias diffusent des pronostics sur un danger durable de COVID-19. D'autre part, des doutes sur la légalité et la proportionnalité des mesures grandissent dans la population, qui souhaite d'urgence une solution. La forme que devrait prendre cette solution est annoncée par Bill Gates, multimilliardaire et mania de l'informatique, dont l'engagement, principalement dans les pays en voie de développement, le fait percevoir par le grand public comme un bienfaiteur. Comme condition de retour à la normale, il appelle à ce qu'on fournisse un vaccin pour l'ensemble de la population mondiale. Un assouplissement des mesures drastiques ne se justifiera, selon lui, que si la vaccination est entièrement effectuée. Toutefois, si on regarde la personne de Bill Gates, les conséquences de ses projets caritatifs passés et ses liens personnels et financiers, on a l'impression que les motifs de son engagement sont tout sauf caritatifs. L'auteur de best-seller d'investigation, Thurston Schulte, a publié une vidéo informative sur ce sujet le 30 avril 2020. Dans de nombreuses déclarations, Bill Gates et les personnes qui lui sont étroitement liées témoignent de leur véritable motivation. Dans la vidéo de Thurston Schulte, Robert F. Kennedy Jr., éminent orateur et critique de la vaccination, a son mot à dire. Le neveu de l'ancien président américain John F. Kennedy lutte avec succès contre les maladies infantiles dans le monde entier grâce à l'organisation Children's Health Defense qu'il a fondée. Kennedy met en lumière les conséquences désastreuses des précédentes campagnes de vaccination de Bill Gates. Voyez par vous-même dans quelle mesure l'image de Bill Gates bienfaiteur, véhiculée par les grands médias, peut résister aux faits. Dans quelques secondes, vous verrez 25 scènes importantes en 3 minutes qui vous incitent à googler. Veuillez prendre tout cela très au sérieux. Le ministre-président bavarois Söder a déjà déclaré le 23 avril qu'il était très ouvert à une vaccination obligatoire contre le coronavirus. Et maintenant, Matsab, pour la vérité et pour notre liberté. La bonne nouvelle est qu'avec ces réalisations, la croissance démographique du pays diminue. Les avantages qui en découlent là-bas sont la réduction de la maladie et de la croissance de la population. Le monde actuel s'accroît de 6,8 milliards d'habitants à 9 milliards. Si nous faisons un excellent travail sur les nouveaux vaccins, nous pouvons réduire cela de 10 ou 15%. Pourquoi Bill Gates veut-il réduire la population mondiale en utilisant des vaccins? Quand j'étais jeune, mes parents ont toujours été impliqués dans le bénévolat. Mon père était le patron de Planned Parenthood. Planned Parenthood a été fondé par Margaret Sanger avant que le père de Bill Gates, William Gates Sr., devienne le patron de Planned Parenthood. Margaret Sanger était une activiste du mouvement pour le contrôle des naissances et la stérilisation forcée. Croyez-vous que le péché existe ? Je crois que porter des enfants est le plus grand péché sur Terre. La chose la plus clémente que la famille élargie puisse faire pour son nourrisson est de le tuer. Bill Gates Sr., le père de Bill Gates, a dirigé la fondation William Gates, créée en 1994, qui est devenue la fondation Bill et Melinda Gates en 2000. Aujourd'hui, Gates Sr. siège au conseil d'administration, aux côtés de Warren Buffett et de Bill et Melinda Gates. Aujourd'hui encore, le père et le fils cheminent ensemble. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas aimé traiter ces questions auxiliaires. C'est en soi contraire au bon sens que de vacciner pour réduire considérablement la population, et c'est alors que j'ai commencé. C'était en 2001. C'est alors que j'ai fait cette expérience, et ensuite nous avons fait une promotion à grande échelle dans le secteur de la santé. En particulier, nous avons soutenu financièrement les vaccins. Dans le domaine de la vaccination, la Fondation Bill et Melinda Gates ne possède pas seulement des parts chez de nombreux fabricants de vaccins, mais elle investit et finance parmi d'autres les entités suivantes. Visite du géant du logiciel Bill Gates aujourd'hui chez Genspan, Les deux hommes ont parlé des innovations dans le système de santé et de l'importance des vaccinations pour les soins de santé au niveau mondial. Bill Gates a dit à ce sujet, « Eh bien, les vaccins sont un véritable miracle. » Bill Gates a révolutionné l'informatique avec beaucoup de succès. Nous pouvons apprendre beaucoup de Bill Gates. Nous allons en fin de compte administrer à 7 milliards de personnes le vaccin qui sera développé. Nous ne pourrons pas revenir à la normalité d'avant le Covid-19 tant que nous n'aurons pas trouvé un remède miracle qui soit efficace dans 95% des cas ou que nous n'aurons pas développé un vaccin. Les choses ne reviendront pas vraiment à la normale tant que nous n'aurons pas administré un vaccin à la quasi-totalité de l'humanité. Les autorités peuvent être amenées à se rendre au domicile des personnes pour en retirer les membres infectés de la famille, si besoin par la force. Nous devons maintenant regarder dans les familles pour trouver les personnes malades, infectées, les retirer et les isoler de manière sûre et digne. Dieu merci, nous avons les vaccinations. Et c'est aussi quelque chose dont nous pouvons tirer des leçons ici en Allemagne dans notre système de santé. Il doit s'agir d'un partenariat gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées, surtout pour le pays en développement lui-même, mais aussi pour le secteur privé. Cela ne doit pas être considéré uniquement comme une œuvre de bienfaisance, mais comme un modèle durable orienté sur le marché pour eux, les fabricants de produits pharmaceutiques. Cela s'explique en partie par le fait que nous cherchons de plus en plus à créer une demande et des marchés. Fabriquer un produit est une chose, mais on doit également s'assurer que le marché et les clients qui l'achètent sont là et que la demande est là. Robert F. Kennedy Jr. a écrit le 13/04/2020 sur les sujets suivants. 10 fois plus de mortalité chez les filles vaccinées avec le DTC par l'OMS. Ce vaccin mortel est administré de force à plusieurs millions d'enfants africains chaque année. L'OMS a stérilisé des millions de femmes kenyanes lors d'une campagne de vaccination contre le tétanos. L'OMS a finalement dû admettre avoir développé des composants stérilisants. Des cas suspects similaires existent dans au moins 4 autres pays. N'hésitez pas à chercher plus loin sur Google sur ces sujets. Le programme derrière la panique du coronavirus se clarifiera alors certainement pour vous. Annexe, déclaration importante de Robert F. Kennedy Jr. datée du 13 avril 2020 sur 10 pages. Robert F. Kennedy Jr. est le neveu du 35e président des États-Unis. Il est avocat et écrivain. Il a publié le 13 avril 2020 les déclarations suivantes. Une étude réalisée en 2017 a montré que le populaire vaccin DTC de l'OMS tue plus d'enfants africains que les maladies qu'il prévient. Les filles vaccinées ont un taux de mortalité 10 fois plus élevé que les enfants non vaccinés. L'OMS refuse de retirer le vaccin mortel qu'elle impose à plusieurs dizaines de millions d'enfants africains chaque année. En 2010, M. Gates a promis 10 milliards de dollars à l'OMS et a déclaré « Nous devons faire de cette décennie la décennie des vaccins. Un mois plus tard, M. Gates a déclaré dans un discours que les nouveaux vaccins pourraient réduire la population. En 2014, l'Association médicale catholique du Kenya a accusé l'OMS d'avoir stérilisé chimiquement des millions de femmes kenyanes contre leur gré dans le cadre d'une campagne de vaccination contre le tétanos. Des laboratoires indépendants ont découvert qu'un composant stérilisant était présent dans chaque vaccin testé. Après avoir initialement nié les allégations, l'OMS a finalement admis que plus d'une décennie avait été investie dans le développement de vaccins stérilisants. Des accusations similaires ont été formulées par la Tanzanie, le Nicaragua, le Mexique et les Philippines. Promettant sa part de 450 millions de dollars sur 1,2 milliard de dollars pour l'éradication de la polio, il a pris le contrôle du groupe consultatif technique national sur l'immunisation de l'Inde, qui a prescrit jusqu'à 50 doses de vaccins contre la polio par le biais de programmes d'immunisation superposés pour les enfants avant l'âge de 5 ans. Les médecins indiens attribuent à la campagne Gates une épidémie dévastatrice de paralysie flasque aiguë non due à la polio, qui a paralysé 490 000 enfants de plus que les estimations prévues entre 2000 et 2017. En 2017, le gouvernement indien a rejeté le programme d'immunisation de Gates et a appelé Gates et sa politique d'immunisation à quitter l'Inde. En 2017, l'OMS a admis à contre-cœur que l'explosion mondiale de la polio était due en grande partie aux souches de vaccins. Les épidémies les plus terrifiantes au Congo, en Afghanistan et aux Philippines sont toutes liées aux vaccins. En fait, jusqu'en 2018, 70% des cas de polio dans le monde étaient causés par des souches de vaccins. En 2014, la Fondation Gates a financé l'essai de vaccins expérimentaux contre le HPV développé par les laboratoires Glaxo, SmithKline et Merck sur 23 000 jeunes filles dans des provinces indiennes éloignées. Environ 1200 d'entre elles ont souffert d'effets secondaires graves, notamment de troubles auto-immunes et de troubles de la fertilité. 7 d'entre elles sont décédées. Les enquêtes menées par le gouvernement indien accusent les chercheurs financés par Gates de violations éthiques de grande envergure telles que exercer une pression sur les jeunes filles faibles des villages, harceler les parents, falsifier les formulaires de consentement et, en outre, refuser les soins médicaux aux jeunes filles qui sont victimes de la vaccination. L'affaire est maintenant devant la Cour suprême du pays. En 2010, la Fondation Gates a financé une étude de phase 3 du vaccin expérimental de GlaxoSmithKline contre la malaria. Au cours de cette étude, 151 nourrissons africains sont morts et 1048 des 5949 enfants ont souffert de graves effets indésirables tels que paralysie, crampes et convulsions fébriles. Au cours de la campagne MenAfrique VAC 2002 de Gates en Afrique subsaharienne, le personnel de Gates a vacciné par la force des milliers d'enfants africains contre la méningite. Environ 50 des 500 enfants vaccinés ont développé une paralysie. Les journaux sud-africains se sont plaints. Nous sommes des cobayes pour les fabricants de produits pharmaceutiques. L'ancien économiste en chef de Nelson Mandela, le professeur Patrick Bon, décrit les pratiques philanthropiques de Bill Gates comme impitoyables et immorales. Des représentants de la santé publique à travers le monde accusent Bill Gates d'influencer le programme de l'OMS en le détournant de projets qui se sont avérés efficaces pour réduire les maladies infectieuses. Il s'agit de l'opprobre de l'hygiène, de la nutrition et du développement économique. Ils disent qu'il a détourné des fonds de l'organisation pour servir sa philosophie personnelle. Gates n'utilise pas seulement sa philanthropie pour diriger l'OMS, l'UNICEF, l'Alliance Gavi pour les vaccins et la fondation PATH, mais il finance également une société pharmaceutique privée qui fabrique des vaccins et fait en outre don de 50 millions de dollars à 12 sociétés pharmaceutiques pour accélérer le développement d'un vaccin contre le coronavirus. Lors de ses récentes apparitions dans les médias, Bill Gates s'est dit convaincu que la crise du Covid-19 lui permettra désormais d'imposer ses programmes dictatoriaux de vaccination aux enfants américains. Pour Bill Gates, les vaccins sont une stratégie philanthropique qui alimente ses nombreuses entreprises liées aux vaccins, y compris le désir de Microsoft de contrôler une société mondiale d'identification par la vaccination, et lui donne un contrôle dictatorial sur la politique de santé mondiale.